C'est le micro 2. Il est 20h et déjà une minute. Ce générique est extrêmement long. C'est pas un générique, c'est un indicatif. Il faut rappeler les mots techniques parce que juste derrière moi, j'ai un petit padawan qui est en train d'apprendre les gestes de la technique. C'est pas avec moi qu'il faut le faire. Moi, je fais que des conneries. Ouais, mais tu le fais mieux déjà. Non. Voilà. Tiens, d'ailleurs, tu vas venir me remplacer, Célia. Ça va, Célia? Oui, ça va. Et toi? Bon, bah, c'est bien. Et en plus, t'as ça vu que le micro 2 il fonctionne. Je m'entends pas. Et puis, il y a aussi Jamo. T'as sorti les lunettes noires. Là, tu t'es carrément habillé en été. T'as vu le temps qu'il fait, Stéphane. Et je relève un truc qui est absolument curieux avec toi, c'est qu'il n'y a pas de verre dans tes vêtements. Là. C'est, ouais, mais il y a absolument, quand même le Celtic de Glasgow en jaune. Bon, c'est bien. Ouais. Bon, c'est pas des Irlandais, c'est des Écossais, mais ça peut aller. Mais ils supportent de très bonnes causes. Ce soir, musique, moi j'ai plein de choses. Moi, pas grand-chose. Je peux lancer une playlist qui dure une heure et puis... Allez, on va boire un coup. Puis après, on va voir. En plus, il va lui remplir le frigo. Il faut tout faire soi-même dans cette radio, bordel. Et puis, ouais, j'aurai quand même, comme d'habitude maintenant, les annonces de concerts. J'ai 1, 2, 3, 4, 6, 6 titres de trucs fort diversifiés qui passent dans le coin ou un peu plus loin. Pour l'instant, retour en 1977, je vais y arriver. Alternative TV, un des premiers groupes londoniens, on va dire... Alternative TV en abrégé, ça fait ATV. ATV, ils ont traduit ça aussi sur leur disque par Action Time Vision. Car en effet, ils avaient la vision, ils avaient le temps pour appliquer leur action. Eh bien, voici Action Time Vision par Alternative TV. Youpi! Ouais, ils arrivent. C'est déjà fini, t'as vu? Oui, c'est lent, mais c'est bien. C'était, voilà, c'était. Hein. Là, les trois quarts des gens qui écoutaient ça à l'époque, ils sont morts. Hein. Je dois vous dire, moi-même, je suis dans un piteux état. Je vais en profiter tout de suite pour souhaiter, alors que je tousse, un prompt rétablissement à notre Gaël à nous, qui devait être là ce soir, parce qu'il me semble que c'est son anniversaire aujourd'hui, non ? Il me semble aussi. Hein. Ouais. Ouais. Donc, bon anniversaire, et puis à l'hôpital, hein, parce qu'il va se faire opérer. Hein, et bon gaz hilarant. Voilà. Allez, puis Gaël, tu reviens quand tu veux, le plus tôt possible, ma garçon. Et puis là, il y a Jamie qui va passer un truc en ton honneur, parce que c'est vraiment bien. Quoi. C'est, ouais, c'est complètement bien. C'est Fuck Cheese. Tu vois. Alors, apparemment, c'est Irlandais. Ils chantent en français. D'accord. Ouais, bah oui, ça, ouais, j'ai écouté, c'est rigolo. Complètement défoncé. Voilà. Alors, c'est aussi avec le gaz hilarant, c'est ça ? Non, là, c'est un mélange d'Alpraz et de liqueur forte sur le 106. Ok. Bah écoute, on va y aller comme ça. Ouais, je pense que c'est bien. Fuck the cheese. Allez, Gaël. Dans l'appart complètement défoncé, devais ramener la bitch et niquer, mais j'ai préféré me défoncer. Ah, complètement défoncé. Dans l'appart complètement défoncé, devais ramener la bitch et niquer, mais j'ai préféré me défoncer. Complètement défoncé. Un petit blanc, comme d'hab. Ouais. Bah ouais, c'est, au lieu de la liqueur forte pour l'Alpraz, on va prendre un petit blanc. Ouais, un petit blanc. Voilà. Le truc que tu m'as demandé après, il s'affiche toujours pas. Bon. En attendant, je peux passer un morceau, mais t'auras que 1 minute 12 pour trouver. Oui, moi, je vais vous parler de Anti-Everything. C'est le seul groupe punk de Trinité et Tobago. Voilà, c'est pour c'est ça. Ils ont même une page Wikipédia, j'ai trouvé ça. Ah, pour dire. Ouais. Le groupe s'est formé en 2000, donc ça fait un moment que ça existe. Ils parlent principalement de politique et de conflits sociaux. Pour Trinité et Tobago, c'est pas un endroit paradisiaque où les gens et ne travaillent pas, et puis en fait il suffit d'aller dans l'eau, puis ouais, ramasser un poisson, par bœuf. Bah non, ça marche pas comme ça. Mais c'est un endroit paradisiaque. C'est le capitalisme en fait. Ouais, c'est ça. Le capitalisme qui casse tout. Ouais. Ils font du punk hardcore caribéen, punk hardcore un peu classique, mais de temps en temps on peut entendre du trombone et du steel pan. Alors, le steel pan, je ne savais pas ce que c'était. Bah si, c'est ce qu'ils utilisent dans les carnavals et tout ça. Puis bah c'est ça, c'est un espèce de tambour métallique un peu creux. Et en calypso aussi, il y en a, je crois. Ouais. Je sais pas. On va faire un peu de musicologie après. Je les ai croisés au mois d'avril en Angleterre. Ils étaient en tournée là-bas. C'est des gens très sympas et j'ai bien aimé la musique. Donc, je passe un morceau. Ça s'appelle Fundamental Right to Lie. De Anti-Everything. Ça veut dire quoi, ça ? Je sais pas. Le droit fondamental au citron vert ? Non, je pense que c'est trop vert. Je pense que c'est trop vert. C'est pas, il y a l'ail dedans. Lime. Lime. Lime. Lime. Ouais. C'est le citron. Bah ouais, vert. Vert. Enfin, genre. Je sais pas. Genre vert. Bon, allez, Anti-Everything, au lieu de raconter des conneries, Stéphane. Bien, mais ça va trop vite. Tu aurais dû mettre deux morceaux et faire un bloc. Mais t'as c'est vrai, mais j'ai déjà fait d'autres blocs avec les trucs. J'allais pas faire des blocs pour chaque morceau que j'ai emmené. Je dis plus rien. Si je dis un truc, c'est que demain à partir de 14h, il me semble, à Arras, il y a un festival qui reprend le flambeau du son du porte-voix qui avait lieu à l'époque bénie où il y avait le salon du livre d'expression sociale. Viens le dire au micro. Il fait chier, les gars. Petit stagiaire. Viens. Donc, il fut un temps où il y avait un gros festival du livre d'expression populaire et sociale à Arras qui se déroulait sur la Grand Place, la place principale. Et puis, juste à côté, sur la place d'Ipswich, il y avait Les Copains qui organisaient un bon festival où il y avait quand même pas mal de punk. Ça s'appelait Le Son du Porte-Voix. L'association qui portait le festival du livre là a disparu en fin d'année dernière, 2024. Il continue de dire des trucs dont je l'entends, mais il ne veut pas parler dans le micro, le garçon. Il y en a plein de micros, il y a de la place. Hein. Je veux te mettre au micro, là. Allez. Prends celui qui ne fonctionne pas. Ouais. Allez, micro 4. Vas-y, tu vas exprime-toi. L'association Colère du Présent. Colère du Présent, exactement. Ouais. Heureusement qu'il y a une bonne mémoire, ce garçon. C'est voilà, après, on t'interviewera pour demander ce que tu fais comme dans cette radio. et donc, ils ont Colère du Présent donc à arrêter. Du coup, le son du porte-voix, ils n'étaient plus vraiment en odeur de sainteté pour occuper la place d'Ipswich, qui est une petite place, mais qui est quand même en plein centre d'Arras. Puis que je pense que peut-être les riverains, ils en avaient peut-être assez d'entendre des punks qui éructaient dans les micros, prix libre en plus, ou non, même gratuit. Donc ça a un petit peu patouillé. Et puis bah, finalement, cette année, revoilà. Comment s'appelle cette affaire Call of the Rats. Ouais, Call of the Rats. Call of the Rats. L'assaut du rat perché, le bar associatif d'Arras. Ouais, c'est ça. Et putain, mais il est vraiment au courant, le garçon. On dirait que c'est toi qui fais punk, dis donc. C'est toi. sœur qui fait ça. C'est pour ça que je suis au courant. Et donc ça va se passer un peu plus loin au Val de Scarpe, place de la Guinguette. Il y aura Basta, Coma, Dead Rats, High Bags, les Punk Riot Girls dont on peut toujours pas trouver le moindre enregistrement nulle part, alors que quand même elles font de la bonne musique, on les a déjà vues passer au CCL. C'est et puis il y aura aussi Narcisse Dead Bodies. Ça commence ça commence pas à midi, ça commence à 11h, c'est jusqu'à 20h. Il y a une deuxième scène où il y aura, je pense, des groupes moins connus, j'en sais rien. En tout cas, voici Narcisse Dead Bodies pour annoncer ce Call of the Rats Festival qui a lieu demain à partir de 11h à Arras. Voici Narcisse Dead Bodies avec Leftovers. Qui s'écoute de tes veines, la putréfaction de ta peau, le Walking Charles looking for a Frenchman, searching the edge of the buzzer, best race, running fresh, crunching, adapting you, make a fast from leftovers. Burn. Pour le maintien de l'exception tenue en les séances, tu enfanteras nouveau en bonne chair, je sais gagner. Ce sourire à la perfection tenue en allant contre le sang qui s'est appelé. Rocking jobs looking for a French mare, searching the angels for the best piece, running fresh, crunching and adapting. You made your fence from leftovers. Jobs looking for a French mill, searching the entrance of the best piece, running fresh, crunching and empty. You made your fat from laughter. Rocking jobs looking for a French mill, searching the entrance of the best piece, running fresh, crunching and empty. You make your fat from laughter. Watching jobs looking for a Frenchman, searching the entrance of all the best wings, running fresh, crunching and empty. You make a fist from leftovers. Bim, Narcisse Dead Bodies, il est 20h18 à l'antenne de Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 386. C'est fou. Ouais. Et on... Allez, Eliam. Ouais, je vais vous passer Railway. Ça veut dire quoi cette affaire? C'est R-I-R-A, accent aigu. Ouais, si tu veux. Ouais, c'est ça, aigu. Ouais. Et apparemment, ce sont des Français. Mais en fait, il faudrait que tu parles vraiment dans ton micro là. Parce que ce sont vraiment des Français. Et du coup, alors je vais vous passer un morceau issu de l'album Horse Work for Donkey's Wages, ce qui veut dire les chevaux travaillent pour le salaire des singes. Ouais. Et le morceau, c'est 25. Des ânes. Excuse-moi, Stéphane. Ah, Monkey Donkey. Et je crois qu'il y a un titre de reggae qui s'appelle comme ça, Monkey Donkey, ou un truc comme ça. Ouais, il faudra que je retrouve. Bon, bref. Et donc, le titre s'appelle 25 o'clock in the morning. Ouais, ils ont encore abusé de trucs, là, dans le prince. Ouais, et alors, attends, parce que c'est pas fini, Stéphane. Merci, Jamie. Ouais. Je t'attends. Tu m'attends, attends, tu vas me trouver. Ouais, le refrain, en fait, ça parle un peu de... je vais le trouver. C'est moment radiophonique numéro 15. Je veux juste partager des riffs avec les talentueux, taper des spliffs, me défoncer et continuer à planer. Pas de pause, pas de ralentissement. Continuer jusqu'à 25 heures du matin. Je vais tout faire exploser jusqu'à ce que j'ai passé le dernier coup. Lever un verre et continuer à rire. Pas de pause, pas de ralentissement. Continuer jusqu'à 25 heures du matin. Et voilà. Tu vois, c'est voilà, ça, quand on passe sur, quand on passe par YouTube, et bah, il faut pas. Eh ben, rouge et le pouce, alors. Et on va donc railler, là, il rira. Enfin, ouais. Bah, rira bien qu'il rira le dernier. Hein, parce que, ouais, donc, bah, ouais. Sinon, on peut partir sur Better Way to Live. Qu'on avait gardé. Ouais, alors faut que je te le trouve, donc faut que tu meubles là, parce que dis donc. Ouais, donc. Sinon, on met un morceau à moi, en attendant. Allez, on va passer un morceau, assez lourd. Ouais, c'est le c'est plus pas prudent. Très long, mais. T'as raison. Ouais. Comme ça, je vais vous passer un morceau de Canal Irréal. C'est un groupe de post-punk de Chicago avec Martin Sorodegui. Ouais. Ah ouais. Hyper connu. Bah oui, le chanteur de Los Crudos, pour ceux qui savent pas. Mais... ils ont sorti deux LP chez Beach Independent Records, un en 2021 et un en 2024. Et on écoute tout de suite Not Tomorrow de Canal Irréal. C'est la suite hein, quand même. Merci. Ouais. Rien. C'est meublé. Ouais, nous meublons. Ouais. Alors, truc, pour les gens qui apprennent à faire la technique à la radio, faut jamais se reposer sur YouTube. D'ailleurs, sur quoi que ce soit qui est en ligne. Ouais. Ce que je suis en train de voir, ouais. Ouais. Ça casse bien des facilités. Tu vas me dire, je vais te dire un petit secret de Radio Campus qui normalement faut pas ébruiter, mais bon, ici on a le droit, c'est Pyongyang Christian Rockers. Il y a déjà des gens qui ont passé des trucs de YouTube et au milieu t'as des pubs qui ont débarqué. Alors que Epichga était là de l'autre côté, à la vitre en train de boire au bar, tu sais, qui s'est même pas rendu compte qu'il y avait de la pub qui passait. Il y a quelqu'un qui arrive, hey, tu sais que t'as passé de la pub dans ton émission, c'est interdit, c'est Radio Campus. Que fait le comité d'écoute et de surveillance? Tu sais, des fois il y en a qui passent trois fois le même morceau. Ouais, mais là c'est un geste artistique, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, bah je vais intervenir. C'est bien. Parce que là on savait plus quoi dire, en fait, t'as raison. Ouais. Alors moi je voulais passer Rose 9, du coup, Life I Live, ça vient de Dublin, c'est sorti en 2019. Et bingo. I tweak or mix this, you know. It sounds cold. The life I live is deep. Drive come to the ends on beast and the niners look up your ass up quick. It's peak with the wide receiver, KP2, the way you skip. It's beast I love you, got come to the Roman beats. The life I live is deep. Track, come to the end zone beast. So the Niners look off your ass up quick. It's peak if the YGs do it. KT2, the way to skits. It's B-side lovely. Gal, come to the Roman beats. Gal, come to the Roman beats. The life I live is deep. Track, come to the end zone beast. So the Niners look off your ass up quick. It's peak if the YGs do it. KT2, the way to skits. B-side lovely. Come to the Roman bits. Got me like them boy over there. Then my top on net, inflecting my freeze up. Look, I don't know what's going. It's like 3 a.m. And my bros, them can't stop, they just wanna go boring. My ops don't come to the beat on beef, they don't know about scoring. If you hear T-side screaming, come over here, you volley. We're under our block, just touring. And if on your block, you're stressed, cause I really could be life or death. Get round there with a bottle of coke, but you don't see coke when I get my wet. You don't see rum when I turn my red, should I add that K like Trix done said. 2 Rambos in the back of the whip, they're the best of friends like Anton Deck. That's 2 15s, 30 man chopping. 5 man in the ride out, 3 man in the back, 2 man in the cockpit. Got to be in the steering wheel, no license, pray the guy D don't stop it. Kitty over there with a big behind. I wanna know how this one brocks it, I wanna know how she brocks it off. My bro just got a new paintbrush, he's a painter, Vincent Van Gogh. And my ops love giving it loads to speak, I really don't feel that gossip, man, I feel that gas. More time to be talking was. Say you're on me, that means you're on Des, you're on YJ and you're on T-Sav. Actually, you're on all of the boys then. I don't really take and can beef this gang. Big boys turn Bryce and tell her when in the station, don't deny you sang. Caught my man in the yard debate, I know he got shook when the doorbell rang. I really wanna take man's blood, but I don't use mouth, I ain't got fangs. The life I live is this. Try, come to the end zone beast. So the Niners look off your ass up quick. It's peak if the YGs do it. KG2, the way you skits. It's B-side lovely. Gal, come to the Roman beats. Gal, come to the Roman beats. The life I live is this. Try, come to the end zone beast. So the Niners look off your ass up quick. Peak if the YGs do it. KG2, the way you skits. It's B-side lovely, gal come to the Roman bits. Gal come to the Roman. She said I'm diff, I said B, I'll shape of the life I live. I love it, she can't say no to a Kit Kat chunky, she loves her chocolate. I pass it to bro like Westbrook, Kobe see the way he dunks it. Said he want me to record what I saw that day, got me feeling like Joseph Plunkett. Get round there and duels or scores, that's 4s or 2s. Together that's 6, I remember that day so vivid. Half of my ends your bits, I wanna put height on my stack, same way the boy got lift. Well, wrecking his face like Ralph, that's a problem Felix can fix. The boy got soaked and drenched like Weetabix, and then he got hanged in the air. That's 2 buck tea when I banged that beaver. Ferocious man, a grizzly bear. Try come to the ends like Panda, designer hat and sky for the coat, man, clear. Your clothes ain't safe around us, big smoky, don't make a candle tear. The life I live is deep. Try, come to the ends on beef. So the Niners look off your ass up quick. It's peak if the YGs do it. KG2, the way you skits. It's peace I love you. Come to the Roman beats, gal come to the Roman beats. The life I live is diff. Try come to the ends on beast. So the Niners look off your ass like quiff. It's peak if the YGs do it. KG2, the way you skip. It's beast that lovely. Gal come to the Roman beats. Gal come to the Roman. The life I live. Ouais. C'est quoi la vie que tu vis? C'est trop la life. Bon, des allez. Petits larcins. Ouais, des petits larcins. Ah ouais. Ouais. Et moi, je fais des petits larcins avec encore un truc qui va passer, je sais plus. À l'Excelsior, putain, j'annonce des concerts loin. À l'Excelsior, à Bruxelles, à Jette, exactement. Ça va passer vendredi, vendredi, après-demain, quoi. C'est SGATV, ils viennent de Suisse, ils font du synth-punk un peu flingué. Et ils nous disent, ici, un truc, mais alors qu'il faudrait aussi écrire en lettres d'or au mur, et puis auquel se référait tout le temps, c'est « Never trust the rich », ne jamais faire confiance aux riches. Les voici, et ils passent vendredi soir à l'Excelsior. C'est déjà fini, dis donc. Il est 20h34, le temps passe extrêmement trop vite, surtout quand on a des problèmes techniques dont il ne faut pas parler à l'antenne. Je dis ça pour notre apprenant. Le stagiaire. Voilà. Tiens, tant qu'on y est, puisque tu es au micro, là, tu vas quand même pouvoir dire à quelle émission tu participes. Je ne participe pas encore, j'aimerais, il manque la technique. Tu participes à deux émissions sur Campus. Ah, j'ai été cofondateur de l'Écho des Gnous, mais c'était une autre vie, il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans peut-être. Mais ça existe l'Écho des Gnous. Ça existe toujours, toujours Pierre-Alexandre, fidèle au micro les dimanches soirs. Ouais. Et c'est le dimanche à 18h. 19h, une semaine sur deux. Ouais. Bravo, voilà. Et l'autre, c'est l'hebdo d'ET Fabula Narratour, le samedi après-midi. Mais qui existe déjà. Qui existe déjà, avec Thibaut qui anime vaillamment seul depuis des années et que j'espère renforcer prochainement. Bon, eh ben d'accord. Il n'y aura plus qu'à écouter. Donc, vous savez maintenant que sur Campus, il y a plein d'émissions bien. Et maintenant, revoici en deuxième tentative notre Jamo international. Jaune aujourd'hui et pas vert. Moi, ça me heurte, hein, franchement, ce jaune-là. Poussin, en plus, poussin le jaune. On va quand même essayer de passer Rira ou pas? Ouais, Rira. Alors, ils viennent de la baie de Somme, en fait. Non, mais non. Mais je sais pas si c'est les vrais. Ah, c'est peut-être un autre groupe qui s'appelle Rira et qui fait du folk picard. C'est 25 o'clock in the morning. Et là, je t'ai retrouvé normalement le même titre, mais en live sur une émission de la RTE, pour dire qu'on a quand même la suite dans les idées. Ça tombe bien, j'ai envie de parler d'eux après. D'accord. Bon, ou alors tu veux en parler maintenant ou après? Bon. Ah, après, après. Bon. Allez, on va essayer de passer. Puis peut-être que ça va s'arrêter au bout de 30 secondes, hein, on va savoir. Ouais. Rira, 25, machin. Ouais. Yeah, boys, get it on! Get it on, live on the webcam! Tellin' we rent on McKenzie phone flying at ya. Hitting you fast on the garage, ripping the night and napper. Stay sharp or no matter the mind scatter, no matter the brain batter, grey matter stays active. And we smashing those hashing hands, flashing the pan, fashion fans, acting the man badly. Keeping it rugged like pebble dashes, rubbing your knuckles, running up a sucker for fucking buckets and duckets, you know. All I wanna do is live like the other half do. So I can stay buckle on bones, nothing to lose, but a few screws up in the roof. If I have to, that's what I'll do to pass through, I ask. My dungeon is riffing like bitch and biddies, bickering like little kitties, switching lyrics with gimmicks. I'm only in it to try and stable the fret. Every now and again, I just flip it to stay safe. I just wanna split riffs with the gifted. Hit splits, get splits and keep lifting. No pausing, no stalling, keep it going till 25 o'clock in the morning. I'm gonna blast it until I'm past the last kick. Break the glass and stay laughing. No pausing, no stalling, keep it going till 25 o'clock in the morning. Now when I blow, I roll like an evil wheelie, freely. Like hippies on Harleys, flipping up Harleys, it's east. Once I kick started, I'm charging. Can't par me with the kindergarten jargon. So talk all that rah-rah, you have to have a door bandana. Don't make it a gang, so you can't talk. Now you're bullin' cause you're cutting colour from your skull to your gullet and run it like this fucking culty muller from Tuller. Sell them, see me slobber, till I'm full of homebrew and Tullamore Jew, no problem. Any weak rhymes you rabbit and won't be happy. Truth skipping, skedaddling, scatter before the battle. Living it for the patties and biddies, sipping the Guinness. Know we're in it every minute from beginning to finish. No gimmicks, no friggin' bullshit. A head full of herbs and words to keep your skull ripping. I just wanna split riffs with the gifted. Hit splits, get splits and keep lifted. No pausing, no stalling, keep it going till 25 o'clock in the morning. I'm gonna blast it until I'm past the last kick. Raise the glass and stay laughing. No pausing, no stalling, keep it going till 25 o'clock in the morning. Yeah, now who can get the deepest bit of smoke through the speakers, reaching the people and keeping the weed seedless, the rhyme seamless, mind beams it, receive it, finally married the music and promised I'd never leave it, we go back like me daddy's Adidas, old school like graffiti painted pieces, believe it, I mean it, haven't seen it on a replay, re-roll runs, rhyme G, try recreate, chase those fake souls with brains like Play-Doh, spaking out the rain and cake holes. But they still can't hear me since the day scary era raised tear and blaze tea. I swing it like a barrel of beer and a bottle of bells. You couldn't even sip it, don't be codding yourselves. Run alongside and try racing it. But face it, you can't chase the pace of a space cadet. I just wanna split riffs with the gifted. Hit splits, get blitzed and keep lifting. No pausing, no stalling, keep it going till 25 o'clock in the morning. I'm gonna blast it until I'm past the last kick. Raise the glass and stay laughing. No pausing, no stalling, keep it going till 25 o'clock in the morning. Yeah. I just wanna split riffs with the gifted. Hit splits, get blitzed and stay lifted. No pausing, no stalling, keep it going till 25 o'clock in the morning. I'm gonna blast it until I'm past the last kick. Raise the glass and stay laughing. No pausing, no stalling, keep it going, keep it going, keep it going. Bad life is convincing, wrong. We'll be right back. kitchen, 25 o'clock in the morning. The wonderful rerun with Joe Mooney. Yeah, in there! That was stunning, lads. If that's what it's all about. That's from the Midlands, from the heart of Tullamore. These boys are playing in Masons next Friday night in Derry. If you want to check out Rerun, get his album, check him out on MySpace. Vas-y, Schmeck, il anime là. T'entends en plus l'accent et tout. Ouais. C'est l'accent de la baie de Somme. Ouais. C'est beau. Alors pourquoi tu voulais parler de RTE là? RTE. Ah, c'est parce qu'après j'ai un titre. Ah ouais, d'accord. Bon, ben, on va, pour l'instant, on va en rester. Ouais. Ma chère Célia, c'est à moi. À 20h41. Moi, je vais vous emmener dans le nord de l'Écosse avec Bratacus. C'est un duo de punk hardcore. C'est deux sœurs, une au chant et à la guitare et l'autre à la basse, accompagnées d'une boîte à rythme. Et c'est les filles d'un des membres de Sedition. Ouais. J'savais c'est beau, pas. Sedition. Bah ouais. Dédicace à Yuki, même si on n'a pas le droit de faire des dédicaces. Ça fait les riches heures du Wharton Vis première époque, ça. C'est clair. et puis voilà, donc on va écouter Fine Eagle de Bratacus. C'est fort, hein, Sedition, franchement. Ah ouais, du coup, j'avais pas désannoncé, mais du coup, c'était j'ai dit. The chase is on, Sedition. Ouais, ils vont chasser quoi, les faf? Je sais pas, non, hein, je demande. Peut-être. Putain, dire que ça a 30 ans, cette affaire. Ouais. C'est pour ça qu'après, ils ont fait des enfants. Enfin, faut pas, quoi. Enfin, ça dépend. je continue mes concerts de la semaine. Ce samedi, à Kurne, à côté de Courtrai, il y aura le One Jam numéro 9 avec plein de groupes, mais dès que j'arriverai à afficher cette page, c'est de plus en plus lent, cet Internet, ici. Tu vois que tu es dans une fac de science, quand même. Internet est lent. donc, le One Jam numéro 9, c'est au skatepark Janssen. Et il y aura, dès que je le trouve, bonjour. The Flex, voici. Non. Alors, il y aura, ouais, putain, l'affiche de fou. The Flex, Traumatizer, Whatever It Takes, Force, Phased, Spiritual Law, Crouch, Coral Index, Bone Shakers et Flux. Le skatepark Janssen, c'est Harald Beck's Strat numéro 36. Donc, voilà, vous sortez de Kurne et vous allez vers Arlbeck et puis vous y arrivez. Hein, vous connaissez ? Et vous cherchez le skatepark. Non, je ne sais pas si on le voit de la rue. Et ça commence à 14h et ça finit fort tard, cette affaire. C'est à ne pas manquer, comme à chaque fois qu'il y a un Wham Jam, avec toujours les affiches avec George Michael. C'est pour ça que ça s'appelle Wham Jam. alors qu'en fait, la musique n'a rien à voir. Je vais donc vous passer premièrement un titre de Force qui nous ont enchanté samedi dernier au CCL. Vraiment, le chanteur, c'est un tueur, ce mec. C'est vraiment excellent. Et puis ensuite, j'enchaîne. Parce que moi aussi, je fais des blocs, même si je n'ai pas fait un bloc en une seule fois. J'ai fait un bloc en deux morceaux. Moi. voici donc Force avec Misconception, suivi de Coral Index, qui vont un peu ralentir les choses et faire de la bonne power pop. Et le titre, c'est Samira. Ce n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose qui lui ira. Donc Force, ensuite Coral Index. Je n'y crois pas. Ah bah c'est bête, hein. Taisez-vous. Ouais, je suis désolé, hein, mais vraiment, on est embêté par la technologie américaine. Il faut vraiment se détacher alors de tous les réseaux américains et de toutes les plateformes américaines, on est d'accord. Oui. Viva Mastodon. Voilà, exactement. Eh, t'as vu ? Il est sur Mastodon. Incroyable, c'est vrai. Ouais. Bah, comme Pyongyang City Rockers, il y a un compte sur Mastodon. Vous cherchez Pyongyang City Rockers tout collé, puis vous le trouvez, hein, c'est bon. Hein, ouais. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on passe ? Bah, je ne sais pas. Je peux encore mettre un truc. Bah oui, c'est pas le Jamo qui met un truc, non, ça marche pas. Bah ça marche pas. Ah, ça ne marche pas. John Irland. Hein, John Irland. Bah moi j'ai encore un truc. Il faut le temps que je le cherche, donc on va passer d'abord un truc. Ouais. Vous êtes en train d'écouter une émission qui est extrêmement bien préparée. Et donc, technique impeccable, j'ai bien fait de venir ce soir. Bah, la technique est impeccable, c'est le fait que en fait, vous entendez la préparation qui se fait devant vos oreilles ébahies. Et donc voici Célia qui, elle, a préparé quelque chose. Ouf, merci. Moi, je vais vous parler de Scoop. C'est un groupe de hardcore, punk hardcore de Prague. Ils se sont formés en 2023, donc c'est un groupe assez récent. Ils ont sorti une première cassette avec 2 morceaux. Une deuxième cassette avec 5 morceaux, et là ils viennent de sortir 2 nouveaux morceaux qui sont disponibles sur les internets, le camping des groupes. Comme beaucoup de groupes que je ramène, les morceaux durent moins de 2 minutes, donc je vais passer un bloc de 2 morceaux pour que ça fasse un peu plus de 3 minutes. Donc on écoute tout de suite Stomping Around et Solution Push Me Back de Scoop. Et par contre, le deuxième, je pense que je ne l'ai pas, là. J'ai que Stomping Around. Ah merde. Ah oui, j'ai fait un bloc et je l'ai oublié. Ah bon, bah tant pis, Stomping Around, j'ai oublié de le remettre bien peut-être. J'ai supprimé le mauvais. La préparation. Bon bah du coup, on n'a que Stomping Around. Youpi, Scoop. Absolument pas que ça, c'est techniquement pourri, mais c'est pas grave. Hein. Il est 20h et presque 56 minutes à l'antenne de Campus 106,6. C'est là le moment pour Pyongyang City Rockers de rendre l'antenne. Dans quelques minutes, vous retrouverez Teeth Grinder avec l'ami JD qui va encore vous passer, je sais pas, une intégrale de TFN ou j'en sais rien. Et puis ensuite, à 22h, ça sera le tour de B-Boy Bouillabaisse. Et puis ensuite, il y aura toutes les autres émissions de la nuit de Radio Campus, alors que maintenant c'est Jamo qui va vous présenter son dernier titre, car là enfin on a quand même trouvé quelque chose qui fonctionne. Ouais. Donc c'est Molodoy, issu de l'album Dragon Libre, c'est John Irland. Ça aussi ça date pas d'hier. Non, ça date de 91. Ouais. Et voilà, pour expliquer un peu le conflit, quoi, vu d'ici. Bah ouais. Et puis on se dit au revoir à la semaine prochaine, normalement avec Gaël. Hein, Bah oui. À qui on envoie des gros bisous baveux. À fond de balle. Voilà. Et puis, on n'oublie pas. D'accord. Allez. Tu as tué comme on te l'a appris.